de Sierra. Bonjour à tous, bonjour Max, bonjour aux deux gorilles de derrière et bonjour la tanche. Allez, trace la route, on s'en fout de son. Donc 7h40, bienvenue sur Pun Radio. Donc on va accueillir Nathalie. Oui, salut. Salut. Christian. Oui, salut toi. Sylvain. Sylvie, pardon. Salut Gérard. Oh, tu travailles, s'il te plaît, merci. Salut Gérard. Sinon, on va je suis pas réveillée ce matin. Bon, alors si t'es pas réveillée, tu vas aller faire un stage au standard et on va te réveiller un petit peu plus. Vous reprenez Sylvie, adore. Hop. Dans quel sens on la prend? Et Sébastien. Micro, je t'en supplie Gérard, prends ta feuille et parle devant le micro parce qu'on a des problèmes. Donc, le débat porte sur la CB. Ah ouais. Ouais, première question à couche. D'accord, c'est pas doucement, sinon on va être obligé d'en zapper un ou deux. Hein. Je reconnais les voix, donc ça va aller très vite. Ouais, parce qu'à mon avis, je pense que... Bon, alors on y va. Première question, parce qu'on a 4 minutes, Gérard. Vas-y, fais donc, ça. Pour vous, la CB est-elle un moyen de réveil? Ouais, bah alors, tu vas... il n'y a pas de chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh, on se réveille. Oh, c'est quoi, là, ce bordel, là, derrière? Gérard, c'est Sébastien. Moi, je sais pas. Oh, tu sais pas, tu sais rien du tout, toi. Ça commence à bien faire maintenant vos conneries. Hein. Enchaîne. Gérard, bon, c'est Sébastien. Sébastien. Ouais, moi, je me réveille pas avec la CB. Je me réveille avec le Star System quand même. D'accord. Sylvie. Ouais, moi, je pense que la CB, c'est un bon moyen pour te mettre un bon coup de fouet, quoi. C'est clair. D'accord. Voilà. Christian. Ouais, moi, j'aime pas les coups de fouet. On parle de la CB, abruti. Ça dépend. Bon, allez, hop, dégage. Allez, bonne journée. Bonne journée à Christian, va dormir. Tu retournes à la Rochelle. Allez, hop, terminé pour lui. Nathalie. Ouais, la CB, moi, je trouve ça nul. Il a raison. D'accord. Et si je vous dis, utilisez-vous la CB comme savon? Il a raison. Ouais. Qui? Nathalie. Ouais. Tous les matins, je prends une douche avec ma CB. D'accord. Sylvie, comme t'as un rire bizarre. Ouais, tu travailles ou quoi, là? Comment? C'est terminé, tous les deux, là. Et à 7h42, quand même, vous pourriez être réveillé, les auditeurs, parce que j'arrête obligé d'agresser les gens. C'est que les gens qui écoutent la radio de l'autre côté, qu'ils entendent un mec avec une moustache qui crie, mais il a raison, il est obligé, Gérard. Ok, donc en fait, moi, j'utilise seulement quand le parfum, c'est de la vanille. Hein. Seulement. D'accord. Et toi, Gérard, tu fais quoi, toi? Tu utilises la CB comme savon, en guise de savon? La CB, c'est pas un moyen de savon, hein. Voilà. Alors qu'eux n'ont rien compris. Ouais, ils comprennent. Qui n'a pas répondu? Qui n'a pas répondu? Sébastien, j'ai pas répondu. Vas-y. Moi, je me shampouine à la CB tous les matins. N'importe quoi. Alors, si je vous dis, avez-vous connu le bonheur avec la CB? Oui. Bon, allez, Sylvie, tu vas commencer à calmer ton rire parce que tu commences à m'énerver, là. Il a raison. Ça, c'est pas des auditeurs. C'est pas les auditeurs que vous avez pris sur les lignes. Hein. Je vous ai vu faire avant d'arriver. Alors moi, le lundi, je veux que ça soit avec des gens et que la liste soit faite avant. D'accord? C'est Sébastien, moi je suis auditeur. Ouais, t'as raison. J'ai même dit que j'avais 20 ans alors que j'en ai 15. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, je sais comment qu'ils ont fait derrière moi. Donc, Sébastien, vas-y. Alors, moi, la CB, tous les jours, au réveil, je prends mon plaisir avec. Hein. Non, mais attends. Hé, hey, Sébastien. Oui. Je te demande si t'as connu le bonheur par la CB. Le plaisir, le bonheur, tous les jours avec ma CB, ouais. Bon, n'importe quoi. T'as rien compris, tu comprends pas les débats, toi. Hein, mais c'est toi qui comprends pas, Gérard. Non, mais attends, moi, comprends très bien. Attends. Ouais, je comprends pas, c'est moi qui fais les débats et je sais ce que je dis, d'accord? Ouais, mais dans quel sens? Ouais, et toi tu t'écrases, Sylvie, d'accord? Pourquoi? Bon, ça suffit tous les deux là. Précise ton nom, Gérard. Tu m'as l'air aigri, Gérard, ce matin. Ouais, je suis aigri parce que c'est même pas des auditeurs des lignes qui sonnent. Mais allez, hop. Sylvie. Il a raison. Ouais. La CB, le bonheur, ça ne peut venir que de la CB parce que c'est comme ça, tout simplement. Eh, mais Gérard, c'est Sébastien. Ouais. De toute façon, c'est bien connu, hein. Le bonheur, c'est simple comme un coup de CB. Hein. N'importe quoi. Ouais, GG, c'est Christian. Ouais. Mais toi, je crois que je t'avais dit d'aller dormir. Non, mais je suis revenu. C'est terminé, tous les deux. C'est vrai. On change, on veut des nanas au standard. On veut des nanas, des standardistes à la place de Bachira. C'est pas la peine. Non, c'est bon. J'ai compris comment vous avez fait. C'est bon. Ça a magouillé. Nathalie. Nathalie, vite fait la conclusion, vas-y.